Conte de fées en français. Le chaperon d'or. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Brigitte, vivait dans une petite ville près du bois Rosebery. Elle était connue sous le nom du petit chaperon d'or parce qu'elle portait une cape dorée. Elle était douce et gentille. Un jour, la mère du petit chaperon d'or prépara un magnifique gâteau aux fraises. Le gâteau a l'air délicieux, maman. On peut l'emmener chez mamie? Oh, quelle bonne idée, ma chérie. Coupons la moitié et tu peux le lui apporter. Oui, maman, oui, youpi! La mère coupa un bout du gâteau et l'enveloppa dans un joli petit panier rose. Voilà, Brigitte, sois prudente. Je t'ai fait un petit sandwich pour toi pour la route. Et reviens avant que la nuit ne tombe. Les loups sortent la nuit. D'accord, maman. Le petit chaperon d'or dit au revoir de la main à sa mère et s'en alla. Pendant ce temps, dans la profondeur des bois vivait une famille de loups. Ils sortaient souvent pour faire peur aux petits enfants et pour leur voler leur nourriture. Cependant, Ergo, le plus jeune loup de la famille, ne ramenait jamais à manger à la maison, car c'était un loup gentil et qui parlait avec douceur. Son frère l'embêtait tout le temps. Hé, Ergo, tu rentres encore à la maison sans le dîner? Je vais sûrement manger un bon repas pour le dîner. En fait, je vais ramener un délicieux gâteau. Un gâteau? Tu n'arrives même pas à attraper la moitié d'une tranche de pain. Va chercher ton gâteau dans tes rêves. Tu vas voir. Je peux être méchant. Je peux être un loup vraiment méchant, ok? Brigitte marchait gaiement dans les bois. Elle admirait les oiseaux qui volaient, jouait avec les écureuils et cueillait des jolies fleurs sur son chemin. Elle se mit à chantonner en marchant et Ergo l'entendit de loin car il s'était aussi mis en route pour trouver une proie. Oh, quelqu'un vient par là. Je dois vite me cacher. Je vais trouver de quoi bien manger. Ergo se cacha prestement derrière un arbre et attendit que le chaperon d'or passe par là. Je vais lui filer une sacrée trousse. Ergo inspira lentement et se prépara. Et alors qu'elle se rapprochait de lui, il sortit de sa cachette. Le chaperon d'or sursauta. Oh, oh, salut petit chien. Tu es perdu? Ergo fut confus, car le petit chaperon d'or n'avait pas du tout peur de lui. Je suis diabolique. Oh, tu dois avoir faim. J'ai de la nourriture pour toi. Brigitte sortit du panier le sandwich que sa mère lui avait préparé et en découpa un morceau. Tiens, mon petit. Ah! Mais tu dois d'abord t'asseoir. Assis. Quoi? Pourquoi? Non, assieds-toi. Sinon, je ne peux pas t'en donner. Ok. Serre-moi la patte. Allez. D'accord. Bon garçon. Allez, tiens. Ergo venait de se faire offrir le meilleur sandwich du monde. Et voilà que maintenant, on lui faisait des caresses. Il alla immédiatement se blottir contre Brigitte et la lécher. Arrête maintenant. Allons-y. Brigitte et Ergo continuèrent de marcher dans les bois. Elle ramassa quelques baies et en donna aussi à Ergo. Ils étaient déjà devenus bons amis. Ergo était curieux de ce que contenait le panier. Il essaya de le savoir tout en marchant. Oh, c'est un bout de gâteau aux fraises délicieux qu'a préparé ma maman. Je lui ai demandé si je pouvais en apporter à ma mamie et elle a dit oui. Et c'est en chemin que nous nous sommes rencontrés. Ergo était fou de joie. C'était exactement le genre de nourriture qu'il avait promis à son frère. J'ai peur de ne pas pouvoir t'en donner. Il y en a juste assez pour ma mamie. Mais s'il en reste un peu, on pourra en manger ensemble. Et c'est sûr que je t'en donnerai si tu te comportes comme un bon garçon. Le chaperon d'or caressa Ergo sur la tête et les deux reprirent leur route. À ce moment-là, Ergo entendit la voix de son frère dans sa tête. Hé, Ergo, tu vas encore rentrer à la maison sans rien pour dîner? Va chercher ton gâteau dans tes rêves. Qu'est-ce que je fais là? Je devrais être un méchant loup, pas le petit toutou de quelqu'un. Cet enfant n'est pas censé m'apprécier. Je dois me montrer féroce. Ergo continua de pester. Mais le chaperon d'or ne comprenait pas. Il sauta et hurla, ce qui la laissa très perplexe. Qu'est-ce que tu fais? Je n'arriverai pas à te donner du gâteau si tu sautes dans tous les sens. Tu dois apprendre à te comporter comme un bon garçon. Ergo se calma. Mais il était toujours furieux contre lui-même. Il avait promis à son frère qu'il ramènerait du gâteau pour dîner, et c'était là sa chance. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois faire quelque chose. Je ne suis pas un petit chien. Je suis un loup. Un loup! Oh, petit, tu es adorable. Adorable? Moi? Oh, merci. Tu me fais rougir. Non, mais attends, je fais quoi là? Concentre-toi, Ergo. Concentre-toi. Alors, Ergo se mit à courir autour du petit chaperon d'or et lui chipa le panier de ses mains. Wow! Petit chien, attends! Attends-moi! Brigitte lui courut après, mais Ergo sauta dans les buissons épais et à travers les larges racines de l'arbre. Reviens, rends-moi mon panier! Brigitte n'arrivait pas à le suivre, vu la vitesse du loup, et elle trébucha sur les racines de l'arbre. Oh! La pauvre Brigitte s'était blessée au genou et ne pouvait plus se relever. Elle avait mal et se sentait désespérée. Alors, elle se mit à pleurer. Ergo entendit de loin les pleurs de Brigitte, tandis qu'il courait. Cours! C'est ta chance! Tu peux prouver à ton frère qu'il a tort. Elle est sûrement blessée. Je devrais peut-être aller voir. Mais non, je dois apporter ce gâteau à mon frère. D'accord. Je crois que je ne suis pas fait pour être méchant. Je dois y retourner. Je suis vraiment inquiet. Ergo courut retrouver Brigitte. Elle était assise par terre et pleurait beaucoup. Ergo vit sa jambe blessée et se sentit extrêmement coupable. Il posa le panier à côté d'elle et s'assit à côté. Il était si contrarié qu'il ne put retenir ses larmes. Ils pleurèrent ensemble. Je suis nul comme loup. J'ai fait du mal au pauvre petit chaperon d'or. Elle a pourtant été si gentille. En voyant Ergo pleurer, Brigitte le prit dans ses bras immédiatement. Oh, pauvre petit chien, tu pleures pour moi? Ne t'inquiète pas, je suis une fille forte. C'est bon. Je sais que tu voulais juste jouer avec moi. Tu es tellement gentil. Ergo se sentit coupable de ses actes et alla lécher le chaperon d'or. Tu me chatouilles! Stop! Brigitte et Ergo reprirent leur route ensemble et arrivèrent peu après chez la grand-mère. Oh, bonjour ma petite Brigitte! Oh, tu as ramené un loup chez moi! Non, mamie, je t'ai rapporté du gâteau et ce chien que tu vois est mon nouvel ami. La grand-mère fut choquée de voir sa petite fille marcher de façon aussi détendue dans la maison, accompagnée d'un loup. Viens t'asseoir près de moi, mon petit. Ils s'assirent autour de la table à manger, mais la grand-mère était terrifiée de voir ce loup chez elle. La mamie coupa un morceau de gâteau, un pour elle, un pour le chaperon d'or et... et un pour le loup. Miam, miam. La grand-mère, le petit chaperon d'or et le loup commencèrent à manger. N'as-tu donc pas peur du loup? Peur du chien? Non! Ses pattes sont si poilues! C'est pour me faire de doux câlins! Et il a un gros museau! c'est pour mieux pouvoir sentir les fruits des bois. Et il a de grandes dents. Pour mieux pouvoir te manger. Pour me manger? Mais non, mamie. Il a juste mangé mon sandwich et il adore le gâteau. C'est un fanat de dessert. Un quoi? Un fanatique de dessert. Il ne mange que des desserts. Mais où as-tu appris cela? Je lis beaucoup, tu sais, mamie. Brigitte continua à manger et le petit loup Ergo aussi, laissant la mamie complètement abasourdie. Au bout d'un moment, ils décidèrent de partir. Au revoir, Brigitte! Au revoir, le loup! Au revoir, mamie! Dis au revoir à mamie! Reprenons la route avant que la nuit ne tombe! Maman m'a prévenu que les loups sortent la nuit. Ergo se dit que cette journée passée avec le petit chaperon d'or avait été sympa. Mais Ergo était pourtant triste au fond de lui, car il savait qu'il n'avait pas de gâteau à ramener à son frère. Ok, toutou, je dois rentrer chez moi maintenant. Désolée, je ne peux pas t'emmener avec moi. Ma mère n'aime pas les animaux domestiques, mais on se reverra, c'est sûr. Oh, attends. Et de son panier, elle sortit un énorme morceau de gâteau aux fraises. Et voilà, comme je te l'avais promis, tu as été un bon garçon. Alors je t'ai mis un gâteau de côté. Tu en auras pour ton dîner. Je sais que tu l'as adoré. Le chaperon d'or prit Ergo dans ses bras et il se blottit contre elle. Prends soin de toi, petit chien. Salut! Ergo et Brigitte prirent des chemins différents pour rentrer chez eux. Le chaperon d'or rentra chez elle et raconta à sa mère ses aventures du jour pendant que celle-ci soignait sa blessure. « Je suis sûre qu'il n'y a pas de chien qui traîne dans les bois. »« Mais maman, c'est un petit chien. C'est juste que tu refuses de me croire. » Ergo rentra chez lui pour surprendre son frère avec le morceau de gâteau. « Mais comment est-ce possible ?»« J'ai juste été fidèle à moi-même. Vas-y, j'en ai déjà eu plein. » Ergo était content d'avoir pu se faire ami avec le chaperon d'or, car il avait appris à ne pas devenir quelqu'un qu'il n'était pas au fond de lui-même. Il resta gentil et généreux envers tous ceux qu'il croisait dans la forêt, et en échange, on le récompensait toujours avec les gourmandises les plus délicieuses.